ça, mais c'est mieux de courir. C'est toujours par là qu'on vous dit de partir. Y a des fois pas le temps, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Et tu vois pourtant, faut bien qu'on s'entraîne. C'est toujours la nuit qu'ils viennent les yeux brûlants. C'est toujours l'ennui sous mon lit en me cachant. Y a des fois pas le temps, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Et tu vois pourtant, faut bien qu'on s'entraîne. C'est toujours tout le temps, je crie contre les murs. C'est toujours maintenant, demain tout sera moins sûr. Y'a des fois pourtant, faut bien qu'on s'entraîne. Et tu vois pourtant, j'ai pas besoin qu'on m'aide. J'ai peur la nuit.